quand on ne sait ni A ni B. Ni A ni B comme les bébés. Quand on ne sait ni A ni B, on ne sait pas son alphabet. On ne sait pas son alphabet. Son âme.